السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، donc on commence notre premier cours de séminaire dans le fiqh, et c'est tiré de du fameux livre de Charles Fawzan, Hafidhahullah Ta'ala, que je vous recommande beaucoup, qui s'appelle Al-Mulakhas al-Fiqhi. Et c'est un concis en deux volumes, un concis dans Al-Fiqh. Et Charles Fawzan, Hafidhahullah Ta'ala, a consacré dans ce Mulakhas al-Fiqhi un chapitre entier à Asriyan, aux jeunes. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui et demain, Inch'Allah Ta'ala. Je ne sais pas si des frères ont le livre avec en arabe, c'est page 373. Et donc, il commence, Hafidhahullah Ta'ala, en disant « Babun fi wujubi sawmi ramadan wa waqti ». C'est un chapitre sur l'obligation de jeûner, le mois de ramadan et de son temps. Le temps du jeûne du mois de ramadan. Alors, comme en guise d'introduction, encore une fois, on aurait pu faire quelques douloureux introductifs sur le fiqh, c'est quoi le fiqh, etc. Mais on n'a pas le temps maintenant, et je veux juste attirer votre attention sur le fait que ici, on s'attache à étudier un chapitre dans le fiqh écrit par un savant. Et donc, évidemment, il est possible qu'il y ait des sujets qui aient trait à la divergence. Et on se limite ici à l'avis de Charles Fawzan. D'accord ? C'est pas quelqu'un dit oui, mais un autre chef dit ceci, ou un autre chef dit cela, etc. C'est pas le but ici. Donc ici, on s'attache, en tant que début dans le fiqh, un grand savant nous apprend comment faire le siyam, et on se limite à ça ici. Peut-être plus tard, dans les choses de fiqh, etc., on pourra faire les choses plus en détail, mais ici, on se limite à la parole de Charles Fawzan, Hafidhahullah Ta'ala. Et il dit, صوم شهر رمضان ركن من أركان الإسلام. Quelque part, on rejoint le premier verset qu'on a lu sur le tawhid, sur l'aqida, les cinq piliers de la foi et les cinq piliers de l'islam. Pourquoi ? Parce que les cinq piliers de l'islam, mais on a parlé du jeûne du mois de Ramadan. Et dit, وفرض من فروض الله سبحانه وتعالى معلوم من الدين بالضرورة. Alors il dit, jeûner le mois de Ramadan est un pilier parmi les cinq piliers de l'islam et une obligation parmi les obligations qu'Allah a rendues obligatoires, et cela est connu comme faisant partie de la religion par nécessité. Et il dit « وَيَدُلُّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ » Ce jeûne du Ramadan ici est indiqué par le Coran et par la Sunna, et par ce qu'on appelle l'ijma, le consensus, l'unanimité des savants. Puis il cite des preuves, comme il a dit qu'on se base sur le Coran, le Sunna et l'Ijma, il va citer des versets du Coran et des hadiths. Il dit Allah Ta'ala, Ya ayyuha alladhina amanu, kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum. Il a parlé Ta'ala, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصومه وما كتب فرض. Revenons au titre du chapitre de l'obligation de jeûner le mois de Ramadan et ce qui concerne le temps du jeûne du mois de Ramadan. Et donc, il vous a dit que on tire les preuves du Coran, de la Sunna et de l'Ijma, de l'unanimité des savants, et donc il vous a cité un verset, et ce verset, il est une preuve de quoi ? Ce verset, dans la traduction du sens, est « Pour les croyants, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. » Sur la Baqara, verset 183. Jusqu'à sa parole, dans la traduction du sens, est « Ces jours sont le mois de Ramadan, au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Donc quiconque d'entre vous est présent en ce mois qu'il le jeûne. » Et ça, c'est du sort de Baqara, verset 185. Et le sens de « on vous a prescrit », c'est « il vous a été rendu obligatoire ». Et là, on revient au titre du chapitre sur l'obligation du jeûne du mois de Ramadan. Donc vous avez maintenant, vous connaissez l'obligation du mois de Ramadan, de le jeûner, il vous a cité un verset et il vous a dit ce qu'on appelle « wajhul istiqlal ». C'est-à-dire, quand on cite une preuve, en quoi cette preuve est une preuve pour ceux pour lesquels on a cité. D'accord ? Donc ici, il a dit « Kutiba ay furida » parce qu'il a dit tout à l'heure « Fardun min furudillahi subhanahu wa ta'ala » et le sens de qu'on vous a prescrit, c'est qu'il vous a été rendu obligatoire. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit selon la traduction du sens tel « Donc quiconque d'entre vous est présentement sur moi, qu'il le jeûne. » Fal yasoum. Alors pour les frères qui ont fait un peu de langue arabe ici, fal yasoum, c'est un verbe, c'est un impératif. Et donc ici, le verbe impératif indique encore une fois quoi ? L'obligation. Après, ensuite, c'est le troisième, je vais parler de Ta'ala, il cite un hadith du Coran, la Sunna, l'Ijma. Donc il cite un hadith, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Bunya l'islamu ala khams, wa dhakara minha. صوم رمضان والأحاديث في الدلالة على فضيلته وفضله كثيرة مشهورة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام يبني على خمسة أركان. مش كلام في الحديث. Et il a cité parmi eux le prophète عليه الصلاة والسلام le fait de jeûner le mois de Ramadan. Je vous donne la référence du hadith. Il a rapporté par Bukhari et Muslim après Ibn Omar quand ils avaient tous les deux. Et les ahadith qui indiquent son obligation et sa vertu, son mérite, sa préséance, sont nombreux pour nous. Tout à l'heure, on a parlé de l'ijma, justement, le chef dit « Wa ajma al-muslimouna ala wujoub ismoumi wa annam ankara wa kafa » Il dit « Et tous les musulmans sont unanimes, il y a un consensus quant à l'obligation de jeûner et quant au fait que celui qui remet cela a mérite, parce que c'est partie des c'est-à-dire que c'est des choses qui sont connues par les cités, mais aucun musulman qui ne connaît pas que le jeûne du mois de Ramadan, c'est obligatoire. Et puis, il parle, après avoir rapporté le jeûne du mois de Ramadan, et dit que c'est l'un des cinq piliers de l'islam, puis avoir cité les preuves quant à son obligation, il parle de la hikma, de la sagesse, de la législation de ce jeûne du mois de Ramadan. Et il dit, « والحكمة في شرعة الصيام أن فيه تزكية للنفس وتطهيرا وتنقية لها من الأخلاق الرديئة والأخلاق الرديئة لأنه يضيق مجال الشيطان في بدن الإنسان لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجال الدم فإذا أكل أو شرب انبسطت نفسه للشهوات وضعفت إرادتها وقلت رغبتها في العبادات والصوم على عكس من ذلك. Il dit, concernant la sagesse, la hikma pour laquelle le jeûne du mois de Ramadan a été légiféré, il dit, c'est qu'il y a dans le jeûne une purification de l'âme et un nettoyage et un épurement de l'âme des mauvais mélanges et des vils comportements. Car le jeûne rétrécit les voies par lesquelles passe Satan dans le corps de l'être humain. Car Satan coule dans les fils d'Adam comme le sang coule. Et donc, si l'être humain mange et boit, son âme s'étend pour les désirs et sa résolution faiblit et son désir des adorations faiblit. Alors que le jeûne est à l'opposé de cela. Et le jeûne amène à renoncer à ce baron de Jésus. Il faut sans oui. Et le jeûne amène à renoncer aux choses de ce bas monde et à ainsi à désirer au-delà. Ici, il ne faut pas comprendre que les choses mondaines sont interdites. Évidemment, il fait du travail, il fait du business, il n'y a pas de problème avec tout cela. Il achète des choses, il mange des choses, il voyage, etc. Ce n'est pas ça le but, mais ici, c'est juste que c'est quelque chose qui. Fait que tu te limites par rapport aux choses mondaines et que tu donnes plus d'importance à ta préparation pour l'au-delà. Et il dit, Allah Ta'ala, « وَفِيهِ بَعِدُنَا الْعَطْفِ عَلَى الْمَسَاكِينَ وَإِحْسَاسُ بِآلَامِهِمْ لَمَّا يَذُقُ الصَّائِمُ مِنْ أَلَمِ جُوعِ الْعَطْشِ أَوْ لِمَا يَذُقُ الصَّائِمُ مِنْ أَلَمِ جُوعِ الْعَطْشِ لِأَنَّ الصَّوْمَ فِي شَرْعِهِ هُوَ الْإِمْسَاكُ بالنية عن أشياء مخصوصة من أكل وشرب وجماع وغير ذلك مما ورد فيه الشرع يتبع ذلك الإمساك عن الرفث والفسوق. Et il y a dans le jeûne, comme des sagesses, une cause de sympathie envers les pauvres et de ressentir leur douleur en raison de ce que le jeûneur sent en termes de faim et de soif. Car le jeûne est défini dans la religion comme étant, et là il y a une définition, c'est un peu comme noté, c'est quoi le jeûne dans l'islam. Il dit, c'est s'abstenir en ayant une intention de choses spécifiques qui sont manger, boire, avoir des relations sexuelles et d'autres choses parmi les choses qu'on verra porter dans la religion. Évidemment, dans le monde du jeûne évidemment. Il dit aussi, on a peut-être dit où, on a dit que c'est un chapitre sur l'obligation du jeûne et sur son temps. Il dit, on a peut-être dit où, au jour où 100 millions de le trouve avec les fâches et les pains. On voit le moyen, le moyen, le moyen, le profond. On a peut-être dit le rôle des chèvres. Par Allah Ta'ala, فالآن باشروهن يعني الزوجات وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل وبعد يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر أي أن يطلع بياض النهار من سواد الليل. يدي الشيخ avant cela, il avait dit aussi, et suit cela le fait de s'abstenir de propos obscènes et de perversité. Dans le jeûne, tu t'abstiens de, plus que d'habitude, de propos obscènes et de perversité. Il dit donc que l'obligation du jeûne quotidien commence à la montée du deuxième phase. Et ce qu'on appelle la phase du Kaïdé, est phase as-sadiq. C'est-à-dire que le premier phase, c'est le phase qu'on appelle mensonger parce que ce n'est pas le vrai phase. C'est la rentrée du phase, rentre avec la phase as-sadiq, la phase de vérité. C'est pour ça qu'il est ici à la manquer du deuxième phase, qui est la blancheur transversale, transversale, alors que le phase du Kaïdé, il est quoi ? Verticale. À l'horizon, elle se termine au coucher du soleil. Donc là, il donne quoi ? Le temps du début, du jeûne, pendant le jour du Ramadan, et le temps de fin du jeûne qui se fait avec le coucher du soleil, avec le marais. Puis il dit, le chef Hakimallah Ta'ala, Allah dit selon la traduction du français, cohabitez donc avec elle maintenant, c'est-à-dire avec vos épouses, et cherchez ce qu'Allah a prescrit en votre faveur, mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. Puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. Et c'est quelque chose que, quand on a ainsi dégagé, qu'on peut observer à une avenue. Deux fils qui se distinguent l'un de l'autre dans le ciel de manière horizontale, transversale. D'accord ? Et puis il dit, et le sens de la chose qui se distingue pour vous le fil blanc de l'eau du fil noir de la nuit, c'est-à-dire que la blancheur du jour se distingue de la noirceur de la nuit. Et puis il dit, au yabtel du haut, au jour où sont les chagrins de Ramadan. Vous avez remarqué qu'ici il a parlé de quoi dans le temps ? Il a parlé de quoi ? Il fait référence à quoi ici ? Vous suivez, vous êtes dans le d'accord. Vous avez des signes de vie de temps en temps. Ou là, vous allez pas vous répondre. Il a pas le dit. Je vois des visages qui peuvent se lancer, mais. Hein? Il a parlé du jour. On a parlé du jour. Vous voulez en parler de quoi? Du mois. Le mois, il y a du jour, on est d'accord. Parce que vous avez dit le jour quand il commence et le jour quand il finit. Il faut savoir quand il commence le mois. Vous savez comment il est très bien. Donc il a dit, il y a d'autres jours où sont les chants de Ramadan et de Rolim al. Il dit, et l'obligation de jeûner le mois de Ramadan commence lorsqu'on sait que nous sommes entrés dans le mois que le mois a débuté. Et la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on sait que le mois a débuté. Des signes qui ont été décrits dans les textes qui sont évidents, sont clairs. Et justement, Rolim al Khoul, il dit, à l'intour. Il dit, il y a trois manières de connaître son entrée, l'entrée du mois de Ramadan. La première, Kalimat Kula, Ruyat Bilali, Kala Ta'ala, Faman Shahida Minkum Shama Falyasun, c'est ce verset. Ou Kala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Soumou de Rukati, Faman Ra'al Hilal Minafsi, Wajab Ali Soum. La première de ces manières, c'est de voir la nouvelle lune. D'accord ? laquelle le mois de Ramadan commence. Allah dit, sur la traduction du sens est, donc quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il est jeune. Sur le Baqarah, verset 185. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, jeûnez lorsque vous la voyez, la nouvelle lune. Et donc, quiconque voit lui-même la nouvelle lune, le jeûne est obligatoire. La deuxième manière, tariqatul athani, ash-shahadatu ala ru'yah, ou l'ikhbaru anha. فيصام برؤية عابد مكلف ويكفي إخبار بلال يقول ابن عمر تراءى الناس بلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه رواه أبو داود وغيره والصحابة بن حبان والحاكم. Ici, il y a une deuxième manière, c'est quoi la première manière? Qui va avoir la vision? ولا يصح منه فإن تاب في أهل الشهر شهادة أهل الشهر صام الباقي ولا يلزمه القضاء من سبق حل اللي Et le jeûne du mois de Ramadan est obligatoire à tout musulman responsable de ses actes et capable. Et donc, il n'est pas obligatoire aux non-musulmans. Il n'est pas valable de sa part non plus, et s'il se convertit durant le mois, il jeûne alors le reste du mois. Il ne doit pas remettre les jours du jeûne qui ont précédé lorsqu'il était non-musulman. Ça arrive beaucoup. Il arrive que les jeunes. Moins jeunes, les gens se convertissent en plein mois de Ramadan. Et donc, la question se pose souvent, c'est qu'est-ce que je dois faire par rapport aux jours qui ont précédé du mois de Ramadan ? Vous avez la réponse. C'est pourquoi c'est que la personne, à partir du moment où elle se convertit, eh bien, elle commence à jeûner son mois de Ramadan et qu'elle ne doit pas remettre les jours précédents. Et puis le cheikh il dit, ولا يجب الصوم على صغير ويصح الصوم من صغير مميز ويكون في حقه نافلة. لا بارو على الأج. Il dit si le jeune et le jeune n'est pas obligatoire pour assurer le petit. Et le jeune du petit qui atteint l'âge de distinction, qui commence à faire la distinction entre les choses, eh bien il est valable. Il n'est pas obligatoire, mais il est valable. Et cela est pour lui compter comme un jeune surrogatoire. C'est de compter comme un jeune sur le temps, pas comme un jeune obligatoire, parce que pourquoi c'est pas obligatoire pour lui. Et puis il dit aussi, وَلَا يَجِبُ الصَّوْمُ عَلَى مَجْنُونٍ وَلَوْ صَبَحَ عَلَى ذُنُونٍ وَلَمْ يَصِحَ مِنْهُ لِعَدَمِ النِّيَّةِ. Alors, quand nous en présentons, il y a des gens qui perdent la raison, qui sont atteints par la folie. Et donc, le jeûne n'est pas obligatoire pour celui qui a perdu la raison, le fou. Et si le jeune entre en état de folie, son jeûne n'est pas valable en raison de l'absence de l'intention. Et puis il dit, وَلَا يَجِبُ الصَّوْمُ أَدَاءً عَلَى مَرِيدٍ يَعْجِزُ عَنْهُ وَلَا عَلَى مُسَافِرٍ وَيَقْضِيَانِ حَالَ زَوَالِ عُذْرِ الْمَرَضِ وَالسَّفَرِ. قال تعالى, فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. Donc ici, le jeûne n'est pas obligatoire au moment même pour le malade qui n'en est pas capable. Au moment même. Et pour le voyageur. Et ils remettent tous deux les jours de jeûne manqués lorsque les excuses de maladie et de voyage sont levées. Donc, c'est quoi ce moment-là? C'est quand la personne est malade au moment même où elle est malade. C'est pas obligatoire. Mais une fois qu'elle recouvre la santé, alors à ce moment-là, elle remet les jours. La même chose pour le voyageur. Dès qu'il est voyageur, ce n'est pas obligatoire de déjeuner. À ce moment-là, il remet quand son jeûne quand il revient en état de ce qu'on appelle résidence. C'est-à-dire qu'il n'est plus voyageur. Ça va ? Et puis il dit, et c'est un verset dans la traduction du sens est, quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal aux 3 jours. C'est ça la preuve. Sauf Baqara, verset 184. Puis il dit, وَالْخِطَارُ بِإِجَابِ الصِّيَامِ يَشْمَلُ الْمُقِيمُ وَالْمُسَافِرُ وَالصَّحِيحُ وَالْمَرِيضُ وَالْقَائِمُ وَالْحَائِطُ وَالْمُتَسَابِ وَالْمُعَلِّمُ فَإِنْ هَؤُلَئِكُمْ لَهُمْ يَجِبُ عَلَيْهِمُ الصَّوْمُ فِي ذِمَمِهِمْ بِحَيْثُ أَنَّ الْمُخَاطَرُونَ بِالصَّوْمِ يَعْتَقِدُ وُجُوبَهُ فِي ذِمَمِهِمْ وَالْعَزْمُ عَلَى فِعْلِهِ إِمَّا أَدَاءً وَإِمَّا قَضَاءً. فمنهم من يخاطب بالصوم في نفس الشهر أداء وهو الصحيح المقيم إلى الحائض والنفساء, ومنهم من يخاطب بالقضاء فقط وهو الحائض والنفساء والمريض الذي لا يقدر على أداء الصوم ويقدر عليه قضاء, ومنهم من يخير بين الأمرين والمسافر والمريض الذي يمكنه الصوم بمشقة من غير الخوف التلف. Et on parle ici de l'ordre de jeûner. L'ordre de jeûner s'adresse aux résidents et aux voyageurs. On parle d'ordre ici, hein. À celui qui est en bonne santé et aux malades. Au pur et à celle, ou à la pure, celle qui est en la période de menstrue et à celle qui est en période de logique, c'est-à-dire la période après avoir donné naissance. Et à celui qui a perdu conscience. Tout cela, le jeûne est obligatoire à tous en termes de conscience. Dans le sens où le jeûne va adresser afin qu'ils croient son obligation dans leur conscience. Et la résolution de la différence, la résolution de le mettre en pratique se fait soit au moment même, soit plus tard en remettant les jours. Prenez ma main. Je répète, je ne pas. Je répète. Ici, on a dit que l'ordre de jeûner s'adresse aux résidents et aux voyageurs. On parle d'ordre ici. On a dit tout à l'heure quoi pour le voyageur? C'est une obligation pour lui. D'accord? Mais on parle d'ordre. C'est-à-dire que, malgré que ce n'est pas obligatoire pour les non-malades, il croit toujours à l'ordre. D'accord? Et ici, il dit, l'ordre de jeûner s'adresse aux résidents et aux voyageurs, à celui qui est en bonne santé et aux malades, à celle qui est pure et à celle qui est en période de menstrue ou en période de logis, elle est une façade, et à celui qui a perdu conscience. Parce que celui qui a perdu conscience, pour quelqu'un qui perd conscience, et c'est obligatoire pour lui d'être dans le coma, parce que c'est obligatoire pour lui de jeûner. Et la résolution de mettre en pratique se fait soit au moment même, soit plus tard en remettant les jeûnes. Et justement, le jeûne est adressé à certains d'entre eux qui jeûnent dans le moment même, au moment même. Et c'est qui ces gens-là qui doivent jeûner au moment même? Et dans le moment même. Ça s'adresse à qui? On a dit, celui qui est en bonne santé. Lui, ça concerne directement, il doit jeûner au moment même. Ça? Et ceux qui sont résidents, ne sont pas en voyage. À l'exception de quelqu'un qui peut être en bonne santé et résident, et pour les femmes, elle peut être aussi en état de menstrue. Donc ici, pour ça qu'il dit, à l'exception de celle qui a ses menstrues, et de celle qui est en période de logis, on nous fait ça. Il dit, et le jeûne s'adresse à certains parmi eux seulement en termes de remise des jours manqués. Et cela s'adresse à qui? À celles qui ont période de menstruation, comme on l'a cité, à celles qui ont période de logis, comme on l'a dit, à la naissance, après avoir donné naissance, et aux malades qui n'est pas capable de jeûner au moment même et qui est capable de remettre les jours manqués plus tard. Et quelqu'un dit voyage de ça, et dès qu'on entend plus précis. Et aux malades, on a dit quoi ici? Les jeunes adressés à certains d'entre eux quand ils jeûnent dans le monde. Au moment même, ça c'est la première catégorie. Deuxième catégorie, on a dit quoi? C'est celui qui. Quelqu'un dit voyage de ça. Cela s'adresse à eux en termes de jour du jour, ou remis plus tard. On a dit quoi ici? Vous avez le cachet adressé à certains d'entre eux. Et qui rentre dedans? Le voyageur. Pourquoi tout à l'heure? Regardez comment je le précise. On a dit que le jeûne n'est pas obligatoire au voyageur. Mais ce qu'on a dit que c'est interdit. Il est quoi à ce moment-là? Il est mukhayyaf. Le voyageur, s'il veut jeûner, il peut jeûner. Je peux le préciser. Donc ici, il a dit que le choix est donné à certains parmi eux, que ce sont le voyageur et aussi un genre de malade. Quel malade? Le malade, parce qu'en islam, il faut préserver la santé, la vie de la personne, etc. Donc, il dit ici, le malade qui peut jeûner, mais avec une difficulté, sans crainte à l'interdiction, sans crainte à l'extérieur, ça arrive à quelque chose de grave pour lui, ou à la mort, etc. Parce qu'il y a des malades qui, à ce moment-là, au moment même du mois de Ramadan, ils sont malades. Mais pas à un point tel que, si jeûne, bien ça va jouer sur sa santé à tel point que ça va lui faire du mal ou ça va le tuer, etc. Mais lui, qu'est-ce qu'il a à ce moment-là? Évidemment, comme il est malade, ça va être plus difficile. Il y a une difficulté, on est d'accord ou pas? Mais cette difficulté, elle est limitée, elle n'arrive pas à un certain degré ou à certaines conséquences. Donc, qu'est-ce qu'il a celui-là? Il est mukhayyab. Si lui veut faire l'effort, même avec un peu de difficulté, il va faire l'effort, il a le choix. Il dit, et quiconque rompt le jeûne en ayant une excuse, puis cette excuse disparaît durant une journée de mois dans ma main. Qui peut me donner un exemple? Fauton. Quelqu'un qui est malade, au point que c'est difficile pour lui, qui rompt le jeûne, et finalement, l'après-midi, il se retrouve en jeûne. Il y a pas d'exemple qui est plus direct que j'attendais qu'elle sortir. Non. Il dit ici, et qui comprend le jeûne en ayant une excuse, puis cette excuse disparaît durant une journée de Ramadan. Il dit comme le voyageur, qui est de retour de voyage, et celle qui est en période de menstrues, et celle qui est en période de logique. Est-ce que vous comprenez la situation ici? Imaginez-vous que quand il est en voyage, on est d'accord, quand il est en voyage, on va dire quoi? Mokhaya, il a le choix. Ça, on est d'accord. Mais il revient de voyage, il revient chez lui, il est dans la quoi? Résident. Mais il arrivait en plein jour de siège. Qu'est-ce qu'il fait? Une bonne question. Et donc il dit, bien la femme, par exemple, qui s'est menstruée, elle s'arrête en pleine journée de Ramadan. Ou c'est le chien qui s'arrête en pleine journée de Ramadan. À ce moment-là, il y a encore deux autres cas que vous pouvez vous citer. Non? Voilà, on rentre dans les choses, mais c'est plus, c'est juste par rapport à ce point-là ici. Ahsan, c'est le fou qui recouvre la raison, en plein journée de Ramadan. Et aussi, celui qui se convertit, c'est ça que vous voulez dire? Voilà. Celui qui se convertit pendant la journée. Hein? Et on a un autre cas aussi. Voilà, ceux qui sont perspicaces, hein. C'est pas le grand ordre, mais il y a une perspicacité, hein? Ça veut dire en français, pourtant. Ah, Sainte. Le petit qui vient du maire en plein journée. Ben, il dit, il est obligatoire à tout cela de s'abstenir pour le reste de ce jour-là, puis de. Ben, il parle moi, ça je sais, hein. Et pourquoi? Vas-y. Il a, ah, Sainte. Il remet ce jour. Hein, ça veut garder. Okay. Ils remettent ce jour de jeûne plus tard. Donc, scénario par exemple, quelqu'un il vient à la mosquée, il dit voilà, j'ai beaucoup lu sur l'islam, je suis chrétien, je ne sais pas, mais j'ai parlé, etc. J'ai fait mes recherches, et alhamdulillah, je suis convaincu que l'islam est la vérité, je suis prêt à me convertir, etc. Et il arrive en plein mois de ramadan. En plein mois de ramadan. Évidemment, la première partie de la journée, il n'a pas son boulot. On dit c'est même pas obligatoire pour lui ça, qu'est-ce que vous lui dites? Parce que je ne veux pas faire de patawa, mais est-ce que vous lui dites? C'est après, maintenant, qu'est-ce que vous lui dites? Comment ça se fait? Khalas, allez, je non, mais ça ne parle pas, je ne sais pas juste ce qu'il doit faire au jour de l'année. Ça fait une jeune et jeune sous camp, une jeune toute sa vie. Hein? Il jeûne ce jour-là, et puis, ah, ça, t'es remis après, on a. Ce jour-là, juste ce jour-là, et parce que ça que je voulais dire par rapport à avant, hein. On s'est compris, vous voyez. Moi, je ne pose pas les questions dans le sens. Hadès. Hadès. Donc, on a dit quoi? Il se convertit. Un autre exemple que je vous donne. Un enfant, il n'est pas connu, il n'est pas en état de puberté, c'est pas mal. Il arrive chez ses parents et il dit voilà, voilà ce qui s'est passé, je suis en puber maintenant, en pleine journée. Qu'est-ce que vous me dites? Je vais le passer. Utilise le mot en français, ça veut dire. Ah, ça, ça. C'est ça. Puis, je lui dis aussi. Il dit de même si la preuve est établie de l'entrée du mois, de Ramadan, ça arrive, c'est des cas comme ça, durant la journée. Alors ici, je pose la question, ça concerne une personne ou ça concerne tous les musulmans en ce moment? Ça concerne tous les musulmans. Ici, il dit, durant la journée, les musulmans doivent s'abstenir pour le reste de la journée et remettre les jeunes ce jour en plein mois. Si vous sortez d'ici, subhanallah. Vous sortez pour aller dans vos voitures, pour aller dans vos maisons, vous ne restez pas dans la rue. Si vous, restez ici, on pourrait discuter ici. C'est... On ne se prend pas que des comptes dans la rue, on peut discuter, etc. D'accord ? C'est une ancienne commune de Machir qui donne à Médine, mais ils devraient voir le jardin de Bourra, ils sont envoyés le message où les frères vont dans les grottes, etc. Machir, ils ne se prennent pas dans la rue. Ne dérangez pas le voisinage. Ça fait partie de la sunna, ça. L'insan, il fait ce qu'il a à faire, il part dans la mosquée, il dit ce qu'il a à dire, et puis il prend la route directement, il prend la porte et il part. Voilà que le jour. On va en train de mettre dehors, hein. Juste. Peut-être pour les frères avocats, j'avais pas lu la dernière partie en arabe. وكان إذا قال لك النية بدخول الشام في أثناء البينة البينة بدخول الشام في أثناء النهار فإن المسلمين يمسكون باقية اليوم ويقضون اليوم بعد رمضان. Alors dans le nouveau chapitre, باب qui va être صيام اليوم ونهايته. Alors c'est un chapitre du commencement du jour de jeûne et de sa fin. قال الله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. الله dit dans la traduction du sens est on vous a permis la nuit du jeûne d'avoir des rapports avec vos femmes. Elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Allah sait que vous aviez clandestinement des rapports avec vos femmes. Il vous a pardonné et vous a gracié. Cohabitez donc avec elles maintenant et cherchez ce qu'Allah a prescrit en votre faveur. Mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. Puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. Mais ne cohabitez pas avec elles pendant que vous êtes en retraite rituelle dans les mosquées. Voilà les lois d'Allah. Ne vous en approchez donc pas pour les transgresser, c'est ainsi qu'Allah expose aux hommes ses enseignements afin qu'ils deviennent pieux. Soit le Baqara, verset 187. On a un grand exégète du Coran qui s'appelle Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, et il a expliqué ce verset en disant قال Ibn Kathir, rahimahullah, هذه رخصة من الله تعالى للمسلمين ورفع لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام فإنه كان إذا أفضل أحدهم إنما يحل له الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء أو ينام قبل ذلك. فمتى نام أو صام العشاء حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى الليلة القادمة. فوجدوا من ذلك مشقة كبيرة فنزلت هذه الآية ففرحوا بها فرحا شديدا حيث أباح الله الأكل والشرب والجماع في أي ليل لعشاء الصائم إلى أن يتبين ضياء الصباح من سواد الليل. كما يقول كثير من ذلك سيدك سيدك رضي الله عنه ذلك سيسيت permission d'Allah le trio pour les musulmans. Et il levait de ce qu'il était, ce qu'il en était au début de l'islam. Car si l'un d'entre eux rompait son jeûne au début, il n'était autorisé de manger et de boire et d'avoir de relations sexuelles que jusqu'à la prière de l'Isha, ou s'il dort avant cela. La prière de l'Isha. Et donc, lorsqu'il a dormi ou pris la prière de l'Isha, il lui était alors illicite de manger et de boire et d'avoir de relations sexuelles avec son époux jusqu'à la nuit d'après. Ils ont donc trouvé en cela une grande difficulté. Ce verset fut alors descendu et ils éprouvèrent une joie intense en raison de ce verset, car Allah a permis de manger et de boire et d'avoir des rapports sexuels n'importe quel moment de la nuit que celui qui jeûne désire jusqu'à ce que, jusqu'à la fin de la nuit. Jusqu'à ce qu'il y ait une taille au sabah, mais ça va du lait. Jusqu'à ce que la clarté du matin, ce qu'on a dit de l'eau tout à l'heure, se distingue de l'obscurité de la nuit. Puis, il dit Fatabayana min al-ayah kalima, tahdidu s-sawmi al-yawmi bidayat al-nahaya. Qu'est-ce que ce verset nous apprend? Nous apprend la limitation du jeûne, du jour de jeûne, de son début et de sa fin. Il dit فبدايته من طلوع الفجر الثاني ونهايته الى غروب الشمس. On a déjà dit ça tout à l'heure, on le répète. Il a dit son commencement c'est quoi? De la montée du, quelle phase on a dit tout à l'heure? Le deuxième, c'est quelle phase? Sadaq, phase de dérive. D'accord? On l'a décrit tout à l'heure. Et sa fin, c'est jusque, j'en ai jamais dit ça, etc. Là, c'est jusqu'au coucher du soleil. D'accord? Et puis il dit وفي إباحته تعالى الأكل والشرب إلى طهر الفجر دليل على استحباب السهور. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. وقد ورد في الترغيب بالسحور آثار كثيرة، ولو بجرعة ماء، ويستحب تأخيره إلى وقت انفجار الفجر. Il y a dans le fait qu'Allah le Très-Haut a permis de manger et de boire jusqu'à la montée de l'aube une preuve que le suhoor est recommandé. D'accord, on peut traduire ça vraiment de manière très générale. Très, le seul repas, ce qu'on mange ou qu'on boit avant l'aube, l'aube du jeûne. Tout le monde connaît en général le suhoor. Et il y a. Dans le fait qu'Allah le Très-Haut a permis de manger et de boire jusqu'à la montée de l'eau, une preuve pour que le suhoor est recommandé, c'est mustahab. Il a été rapporté dans les deux authentiques, c'est-à-dire le Bukhari ou Muslim, d'après Anas, car la vraie qu'il a dit. Le messager d'Allah a dit: faites le suhoor, car il y a dans le suhoor une bénédiction. Et c'est rapporté par le Bukhari ou Muslim. Et puis il dit: il y a beaucoup de textes qui sont rapportés sur l'incitation à faire le suhoor, et c'est même si ce n'est qu'avec une gorge d'eau. Il est recommandé de le retarder jusqu'au moment où l'eau apparaît. Et si l'individu se réveille, je le dis, alors des situations qui peuvent arriver, il dit: لَوْسْتَيْقَدَ إِنْسَانُ عَلِيْهِ جَلَابَةٌ أَوْ طَهْرًا حَائِدٌ قَبْلَ طُرِيْ فَلِيْ فَإِنَّهُمْ يَبْدَأُونَ بِالسَّهُوْ يَصُومُونَ وَيُؤَخِّرُونَ الْإِبْتِدَاءَ إِلَى بَعْدِ طُرُوعِ الْفَجْرِ. Situation qui peut être très courante, et c'est la suivante. Si un individu qui se réveille, on dort un peu la nuit, etc. On se réveille pour son rôle, et puis ça ne fait pas de l'aise, etc. Il dit: si l'individu se réveille en étant de grande impureté, janaba, ou que la femme qui est en période de menstrue devient pure avant la montée de l'eau. Et là, il y a une question qui va se poser, il doit faire le rôle. Mais c'est le moment, c'est le moment où ils peuvent, qu'est-ce qu'ils font? Leur chef lui dit: il commence par le sacre. Il jeûne, il retarde là-bas jusqu'après la montée de l'eau. Puis il dit aussi le chef: au parcours de l'Asie, il va qu'il y en a des sahara, il y en a des sahara, il y en a des sahara, il y en a des sahara, il y en a des sahara, il y en a des sahara, il y en a des sahara, il y en a des sahara, il y en a des sahara. On a parlé d'un genre de personnes qui font quelque chose qui est quand même assez grave et qui comporte quelques erreurs. Il dit le chef: certains ont le suhoor très tôt. Pourquoi tôt? Car ils restent éveillés la plus grande partie de la nuit, puis ont le suhoor étant quelques heures avant l'eau. Et cela, on commet par cela un certain nombre d'erreurs. Et puis le chir. Awalan et l'inam sans montre de la route siyan. Premièrement, ils ont jeûné avant le temps du jeûne. Là, ils ont plus de suhoor, ils ont plus de classe. Deuxièmement, thaniyan, ils ont coupé la salat du fajr ma'a jama'a. فيعصون الله بترك ما أجر الله عليه من صلاة الجماعة. Deuxièmement, ils délaissent la prière du Fajr en congrégation à la mosquée. Et donc, ils obéissent à Allah en délaissant ce qu'Allah leur a rendu obligatoire en termes de prière en congrégation à la mosquée. ثالثا, ربما يؤخرون صلاة الفجر عن وقتها فلا يصلونها إلا بعد طلوع الشمس وهذا أشد جرما وأعظم إثما. قال الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ولا بد أن ينوي الصيام الواجب إلى الليل. ما تقصى خمسة. Donc il dit le chef ici, on a dit première erreur, on a cité, deuxième erreur, on a cité, c'est quoi la troisième erreur? Il se peut qu'il retarde la prière du Fajr jusqu'après son temps légiféré. Et donc ne prie qu'après le lever du soleil. Parce qu'il y a un temps, la Fajr, il y a un début, il y a une fin. Après, c'est trop tard. Il faut quand même le faire si on se réveille. C'est trop tard, c'est plus dans son cœur. Et donc, ne prie qu'après le lever du soleil. Et ceci est plus grave en termes de péché auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, à notre fils, dans la traduction du sens 7, malheur donc à ceux qui prient tout en négligeant et retardant leur prière. C'est la traduction du sens de Surat al-Maryam, verset 4 et 5. On va s'arrêter ici, puisqu'il est 8h59, pour s'en respect les horaires. Allahu a'lam. وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. وكما جيت ان شاء الله في demain on se retrouve à 18h30 pour le deuxième cours de la Hadith Jibril, inshallah. Et Ensuite, pour le deuxième cours de fiqh de Cheikh Al-Fawzan, Hafidhahullah Ta'ala.